Où c'est que vous étiez en juillet? À Barcelone. À Barcelone. Mais et comment ça s'est passé dès les, par exemple, dès que vous avez appris qu'il y a eu, bon, que les fascistes faisaient le, voulaient prendre l'État, comment ça s'est passé les premières heures là? Et les premières heures, je vous dis que c'est depuis les 15 et les 16 qu'on était continuellement en état d'alerte, qu'on se relayait dans les syndicats, qu'il y avait des permanences nombreuses de gens armés préparés, des gens qui surveillaient dans les rues. Je me rappelle que la nuit du 18 au 19, on n'a pas dormi de toute la nuit on était pendant les rues de Barcelone en allant d'un syndicat à l'autre et en allant, en attendant les agents de liaison qui arrivaient donnant des nouvelles de quartier, oui, et de caserne de chaque quartier, surtout Sant Andrés, qui n'en avait une très importante, et que à Tarazanes, en tous les endroits, le point neuralgique, qu'on pensait que c'était de là qui partirait tout. C'est-à-dire, je ne sais pas comment vous expliquer, on était tout le monde en alerte, on était confondus tous, on était tous là, hommes, femmes, tous. Et ce qui a été unanime, c'est le soulèvement du peuple de Barcelone contre le fascisme. Parce que j'ai dit des fois, oui, c'était la CNT, c'était la faille, c'était les politiques. Mais il y a un moment que même les gens du quartier chinois, les gens du milieu se sont mêlés avec le peuple pour faire face à la situation, parce qu'on ne voulait pas du fascisme en Espagne. On croyait qu'il y avait moyen de résister et de faire face, et qu'il ne fallait pas l'accepter comme l'avait accepté l'Italie, l'avait accepté l'Allemagne, et tout le monde était en train de l'accepter comme une fatalité contre laquelle on ne pouvait pas réagir.